Oh mon dieu, il faut que j'y aille. Métamorphose. Goldorak, go. Go go go go Goldorak. Là-haut très loin dans l'espace infini, il y a un robot géant. Et à son bord il y a un extraterrestre qui s'appelait Actarus. Il s'appelait Actarus et puis alors... Non pas encore. Il kidnappa le grand Goldorak et s'enfuya pour échapper aux armées de Vegas. Armées de Vegas, armées de Vegas. Go Goldorak. Go Goldorak. Go Goldorak. Dans le grand ranch d'un fou d'alien, il nettoie avec soin son Goldorak pour se fight contre Vega. Contre des méchants aliens, pas beau tout vert, va y aller, va y aller, va. Attention le Golgot, je vais te faire la peau. Missile Gamma. Corno Fulgure. Méga Volt. Fulgure au point. Je prends un dernier pour la route. Rétro Laser. Go go go go Goldorak. Alcor te donnera toujours un coup de main avec son vaisseau de gamin. Actarus voudra sauver la terre du joug des vilains Golgoth. A grand coup de ses fulgure au point, fulgure au point, fulgure au point. Go Goldorak. Go Goldorak. Go Goldorak. Go Goldorak. Go, Goldorak.